L'agence de presse russe TASS, l'agence de presse Chine Nouvelle, le quotidien du peuple et les réseaux Information et Planète de Chine, ainsi que les agences de presse japonaises Kyodo et Jiji, ont rapporté les 17 et 18 décembre la présence du maréchal Kim Jong-un au rassemblement du niveau central consacré au 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il. Les mass-médias chinois et japonais ont informé également de sa visite en compagnie des cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée au palais du soleil de Kumsusan où sont conservés les corps embaumés du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il pour formuler son hommage sublime.